C'est l'épisode où le mec A marre à vous carotte B. B engrainé revient avec son quartier C. A perd ses jambes, voilà sa cité des réputations. Goumé, la spirale est enclenchée. Zungu, zungungo, zungu, zing. Encore sa schlingue, les bruits de flingue, les coyotes, les jeux de dingue. L'ennemi, le tocard, le trimar à tricard, ça c'est le tchécard. Fanfare, les lascars se retipent. Comme à Beyrouth, la déroute, un meneur en voûte ses troupes, ça sa troupe. Se shoot, se découpe en groupe, il suffit d'un. Un clam, tout part en couille, tragique embrouille, une vie s'envole au sol, une mare et une douille. Vois, le tien pleurer, dis-moi que ça tu peux aimer. Et toutes ces merdes, qui pourra les arrêter? Demain encore ça va se passer, se masser, près de chez toi. Beaucoup ne penseront qu'à faire couler le sang de la vendetta. Armageddon sur le bitume, lasse les cracks, titubes, même des boches d'attitude. L'habitude, vengeance, mets ta boule de prouve, Beretta. Qu'est-ce que t'as, quoi, peint dans les guettas? Sang de la vendetta, chaos sur le bitume, lasse les cracks, titubes, même des boches d'attitude. L'habitude, vengeance, mets ta boule de prouve, Beretta. Qu'est-ce que t'as, quoi, peint dans les guettas? Sang de la vendetta. La sirène du fourgon et celle du Samuson. Comme un spectre, ciel, cellule, sert encore des personnes. En amont, le pédestal, en aval, ça crève la dalle. Alors normal, ça se régale de bise dans la morale. Y'a la peine maximale ou la pierre tombale. Dans ce monde animal, y'a tant de crotales et de chacals. On assiste donc au coup de croc, des scrocs qui s'escroquent. Chargé à bloc, tu sors des locks et croques si t'en as dans le froc. Des récits sur conflit, défilent dans les testis. C'est donc ça nos vies. Goumé pour prouver à qui. Œil pour œil, lion pour lion, loi du talion dans la Bible. De plomb, ça se crible. On est tous chasseurs et cibles. Dans un conflit, ton âme, ta vie, ton deuxième. Dans tes histoires, le choix, tu fais un tabac, tabac ou tu prends le bas. Où les flics te congèlent, clic clac, ça se bloque là. Tout ça parce que doit couler le sang de la vendetta. Armageddon sur le bitume, lasse les cracks, titubes, même des boches d'attitude. L'habitude, vengeance, mets ta boule de prouve, Beretta. Qu'est-ce que t'as, quoi, peint dans les guettas, sang de la vendetta. Chaos sur le bitume, lasse les cracks, titubes, même des boches d'attitude. L'habitude, vengeance, mets ta boule de prouve, Beretta. Qu'est-ce que t'as, quoi, peint dans les guettas, vendetta. J'entendais. Je m'en fous, je lui nique sa mère, son père, attends, tu vas voir. Au plan, action, allons-y, ça va le faire. Là je suis ton ennemi en noir, bonnet noir, lunettes noires, capuche noire, le cerbère dans ton cauchemar. Chiré dans la foule, comme la houle je déboule, les sentiments je refoule, ne tremble pas mes roues coulent. Je sens déjà le sang qui coule et te vois qui t'écroule. Les secondes roulent, dans ma tête le film se déroule. Dans l'épilogue, tu tâtes l'autre univers. Ta vie est en offrande, moi je suis le missionnaire. Je sais plus trop pourquoi mais paye tes dettes mon frère. Deux coups dans le dos, en guise d'embarcadère. Comme disait César, veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Hasta la vista. Mephisto t'offre l'enfer. Ainsi ton sang sera celui de la vendetta. Armageddon sur le bitume, lasse les cracks, titubes. Même des boches d'attitude, l'habitude, vengeance. Mets ta boule de prouve, Beretta. Qu'est-ce que t'as, quoi, peint dans les guettas. Sang de la vendetta. Chaos sur le bitume, lasse les cracks, titubes. Même des boches d'attitude, l'habitude, vengeance, mets ta boule et trouve Beretta. Qu'est-ce que t'as, quoi, peint dans le guetta. Sang de la vendetta. Chaos sur le bitume, lasse les cracks, titubes. Même des boches d'attitude, l'habitude, vengeance, sang de la vendetta.